Et glorifiant. Dixième miracle. 1. Jésus alla à la ville de Tibériade avec Joseph et Marie pour trouver là ce qu'ils avaient besoin. Lorsqu'il fut rentré dans la ville de Tibériade, Jésus laissa Joseph et sa mère et partit à Tibériade. Tandis qu'il se tenait là, des bateaux venaient d'arriver au port. Un homme sortit de ses bateaux en criant. Mes compagnons m'ont volé tout le poisson que j'ai pêché cette nuit, et m'ont laissé pauvre. Ce contre qui le pêcheur dit, vous m'avez volé, sortir aussi. 2. Lorsqu'ils virent Jésus se tenir sur le rivage du lac, sans le connaître, ils dirent. Nous agréons ce jeune homme pour juger entre nous, et entre toi. Ils s'accordèrent en cela, et allèrent dire à Jésus. Ô jeune homme, voici que cet homme, un de nos compagnons, a pêché plus de poissons que ce que nous avons nous-mêmes pêché. Tout le poisson qu'il a pêché a été volé, et il dit, vous m'avez volé. Juge entre nous, et lui puisque tu sais que nous t'avons agréé. Moi je ne jugerai pas entre vous enfants d'Israël. Moïse vous a donné sa propre loi par laquelle moi-même je ne jugerai pas en ce jour, car Moïse l'a fait à cause de la dureté de votre cœur. Nous agréons ton jugement, comme tu désiras juger entre nous ne transgresserons pas ton ordre. 3. Jésus entra dans le bateau de ses pêcheurs. Il se tint au milieu d'eux, et dit. À toi qui as été volé je te dis, ô poisson retourne dans le bateau de celui qui t'a pêché. Les poissons sautèrent de ce bateau, et entrèrent dans le bateau de l'homme à qui ils avaient été volés. Celui-ci perdit l'esprit à cause de la grandeur de la surprise. Ses compagnons les pêcheurs stupéfaits dirent. Ce jeune homme est le Messie, le Sauveur du monde. Ils entrèrent avec lui dans la ville de Tibériade, au lieu où il séjournait. Ils virent la lumière de son visage, l'éloquence de sa bouche, et crurent en lui. Bénédiction et grâce en lui pour les siècles des siècles. Miracle 11 à 20 symboles plus patrologia orientale et tome 14, p. 771. Onzième miracle. 1. Un jour, tandis que Jésus allait sur la route, il vit un voleur qui avait volé une génisse dans une ville d'Israël. Le propriétaire de la génisse trouva le voleur et l'arrêta. Tous deux luttaient en disant, « Cette génisse est à moi. » Lorsqu'ils virent Jésus passer, l'un dit à l'autre, « Nous voyons la lumière d'Israël sur le visage de ce jeune homme. » Ne nions pas qu'il est de la descendance des prophètes. Viens allons vers lui demander pour l'affaire de la génisse. Je le souhaite moi aussi, dit l'autre. Ils allèrent vers Jésus avec qui se trouvait Joseph le charpentier, et Marie sa mère. Ils le supplièrent de juger entre eux avec sagesse au sujet de la génisse, puisque tous deux l'avaient agréé. 2. Amenez la génisse vers moi, leur dit Jésus. Ils amenèrent la génisse, et la placèrent devant lui. Jésus dit. Ô génisse je t'ordonne de parler dans la voix des fils d'hommes. Dis-nous qui est ton maître. Cette génisse parla, et s'écria à haute voix. Béni est le Dieu d'Israël, créateur des cieux, et de la terre, sauveur du monde entier. Vraiment je te dis, je suis la génisse de ce vieillard, qui s'appelle Kemmemour, fils de Nazé. Hier au moment de la troisième heure du jour, ce jeune homme m'a volé d'un pré, qui se trouve à Césarée. 3. Tu as fait un péché en fautant dans la tribu d'Israël, dit Jésus au voleur. Pardonne-moi au Messie du Seigneur. Je suis ton serviteur, fils de ta servante, lui dit le voleur. Je te remets ton péché, parce que tu as vu ma face, et que tu t'es repenti, lui dit Jésus. Mais désormais, ne pêche plus de nouveau. 4. Cet homme crut que Jésus était le Fils du Seigneur vivant, éternel, ainsi que tous les gens de sa maison. Il demanda à Jésus de lui permettre de devenir son disciple, mais Jésus lui dit : Quiconque sert le monde ne peut devenir mon disciple. 12e miracle. 1. Tandis que Jésus partait de la ville de Tibériade avec Joseph le charpentier pour monter à Yerushalayim. En passant par la route de Galil, Joseph vit sur la route un lion qui était en embuscade, car il précéda Jésus. En le voyant, il fut saisi d'une grande peur, et l'aspect de son visage fut changé. Il se retourna derrière lui vers Jésus alors que son intelligence ne savait plus. 2. Quand Jésus vit le vieillard Joseph retourner en arrière, il connut sa pensée, et lui dit : Qu'es-tu devenu, ô Joseph, et quelle chose t'a atteint ? J'ai vu un lion en embuscade sur la route. Si je n'étais pas venu vers toi, il m'aurait dévoré. Je me suis échappé de lui d'une manière étonnante, répondit Joseph. Ne sais-tu pas, ô Joseph, que je suis le créateur de tous les lions et de toutes les bêtes? N'as-tu pas lu la prophétie du prophète Daniel qui dit : Toutes les bêtes de la forêt sont à moi, les animaux de la campagne aussi, et les bœufs. 3. Jésus se hâta de prendre Joseph pour aller à l'endroit où se trouvait le lion. Jésus se tint debout près du lion et dit : À toi je te dis, ô lion, approche près de Joseph et dis-lui qui est je suis. Le lion se leva de l'endroit où il se trouvait, se prosterna devant Jésus, parla dans la langue des hommes, et dit : Béni est le Dieu d'Israël, roi des rois, auteur de toute créature. Par ton ordre moi-même ai été créé. 4. Quand Joseph vit le lion parler des grandeurs du Seigneur, il fut fort stupéfait. Il se prosterna sous les pieds de Jésus, et lui dit : Ô Fils du Seigneur, aie pitié de moi. Ô Joseph, lui dit Jésus, ne t'étonne pas de ce prodige, car il te faudra voir de plus grand que celui-ci. Tu sauras que je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et Jésus dit au lion : Va-t'en dans le désert, hors de la route passagère. Le lion courut aussitôt et entra rapidement dans le désert. Ils allèrent au mont Tabor pour lui faire voir sa puissance, qu'ils n'avaient pas vue auparavant, et revinrent à Nazareth. 13e miracle. 1. Tandis que Jésus allait sur la route de Nazareth avec Joseph, beaucoup de gens, habitants de la ville de Nazareth, se réunirent près de lui. Un homme de la ville de Naplouse vint vers lui en pleurs, et dit : Ô mon Seigneur, montre-toi clément vers moi. Qu'es-tu devenu ? Dit Jésus. Monseigneur, j'ai un champ que j'avais ensemencé pour donner son impôt à un homme percepteur, mais maintenant l'eau l'a inondé, lui répondit cet homme. Or cet homme samaritain me poursuit à cause de son argent, car je suis un homme du peuple, et non un samaritain comme lui. Je suis pauvre, et je n'ai pas la nourriture d'un jour, ce qui ne plaît pas aux Samaritains. Crois-tu au Seigneur vivant ? Lui répondit Jésus. Moi-même je crois au Seigneur, qui a fait toute créature, et qui est tout-puissant, lui dit cet homme. 2. Viens, allons afin que tu me fasses voir ton champ qui est inondé, lui dit Jésus. Jésus alla avec cet homme jusqu'à ce qu'il parvint à ce champ. Ils trouvèrent le champ devenu un étang. Lorsque le propriétaire du champ regarda, il augmenta les pleurs, se désespéra et voulut retourner à sa maison. Jésus lui dit : Crois et ne crains pas. Jésus se tourna vers l'eau qui se tenait sur le champ, la sermonna en disant : À toi qui te tiens sur le champ, je te dis, eau, retourne dans le lieu où tu demeurais auparavant. Immédiatement un nuage, qui brillait comme le soleil, flotta sur l'eau devant tous les gens qui se trouvaient là, tandis que cette eau montait sur ce nuage comme la vapeur de fumée. Aussitôt le champ devint second, la semence qui se trouvait en lui apparut, elle verdit bien, et fut immédiatement en épi. 3. Est-ce que tu peux moissonner le champ ? Dit notre Seigneur à cet homme. Oui, mon Seigneur, vicaire du monde entier. À ton ordre, tout obéit, lui dit-il. Il se prosterna sous les pieds de Jésus. Lève ta tête, et regarde ta semence comment elle est devenue, dit notre Seigneur à cet homme. Il leva sa tête, regarda son champ, et trouva les épis qui étaient devenus blancs, et arrivés pour la moisson. Frotte, et mange, lui dit Jésus. Cet homme frotta des épis, mangea, et glorifia le Seigneur. 4. Lorsque les gens qui se trouvaient là virent ceci, ils crurent en notre Seigneur, et dirent d'une seule voix : Tu es le Messie, fils du Seigneur vivant, toi au sujet de qui les prophètes ont prophétisé. Quant au propriétaire du champ, il entra en ville, et raconta aux gens ce qui était survenu. Eux aussi crurent en notre Seigneur. Beaucoup de gens des habitants de Samarie crurent en sa parole. 5. Permets-moi de te suivre, ô mon Seigneur, dit le propriétaire du champ à notre Seigneur. Demeure dans ta foi, lui dit Jésus, et ne renie pas ce que tu as vu. Il devint aussitôt un disciple de Jésus. De son propre gré, prêcha son nom, et annonça ses prodiges. Beaucoup de gens des habitants de Samarie, et d'Israël crurent grâce à lui. 14e miracle. 1. Un jour Jésus monta à Yerushalayim, et entra dans le temple, avec lui beaucoup de gens des Juifs, et des scribes. Les Juifs se mirent à converser entre eux. Ils s'étonnaient au sujet de la structure du temple, sa majesté, et sa solidité, et dirent alors à Jésus : Ô Rabbi, ne vois-tu pas la grandeur, la gloire de l'ornementation de ce temple ? 2. Oui, il est beau comme vous dites, leur dit Jésus, cependant si vous voulez, détruisez-le, et moi-même je le relèverai le troisième jour. À cause de ces paroles, les gens te regardent comme fou, lui dirent les Juifs. Si vous regardez mes paroles comme folie, est-ce que vous pourrez mépriser les miracles que je ferai ? Leur dit Jésus. Si tu fais un prodige, nous verrons. Nous méprisons ta parole, parce que tu parles de ce qui n'est pas permis, et que tu te fais toi-même Dieu, lui dirent-ils. Ne croyez pas en moi si je ne fais pas ce qui ressemble à l'œuvre de mon Père. 3. En se retournant, il vit dans le temple l'image de la vision d'Ézéchiel, à savoir une roue qui porte quatre animaux avec une face d'humain, une face de lion, une face de bœuf, et une face d'aigle. Jésus leur dit : Qu'est-ce que cette image ? C'est l'image de la vision du prophète Ézéchiel, lui dirent-ils. Est-ce que cette image n'est pas faite de figures diverses ? Oui, nous-mêmes nous savons cela, lui dirent-ils. 4. Si moi-même je redonne à ces images d'animaux de devenir des intelligents, ne croirez-vous pas que je suis le Fils de l'homme qui a pouvoir sur tout ce qu'il a fait, et qu'il n'y a pas de pouvoir hormis la sienne ? Dit Jésus. Maintenant nous savons que ton intelligence est évanouie, et que ta raison délire. En vérité tu es le fils de Joseph, lui dirent les Juifs. Si je ne fais pas comme je vous ai dit, si je ne rends pas ces images vivantes, sachez certainement que je suis le fils de Joseph le charpentier comme vous dites, leur dit Jésus. Fais, de grâce, pour que nous voyions. Si tu fais ceci, nous croirons en toi que tu es le Messie, lui dirent-ils, le Fils du Seigneur que les peuples attendent pour le salut du monde entier. 5. Jésus se tourna vers ces images, et leur dit. À vous je vous dis, ô images antiques ayez en vous un esprit, et qu'une chair vienne pour vous. Descendez de votre lieu à la terre où nous nous trouvons nous-mêmes, puis allez tous vers les tombeaux où se trouvent Abraham, Isaac, et Jacob, et vers les enfants des pères depuis le premier jour de tous ceux qui sont enterrés avec eux, et dites-leur. Le Fils du Seigneur Créateur éternel vous ordonne de venir, vous tous, dans le temple, et que vienne avec vous l'un de vos fils, qui connaissait mes mystères, et l'histoire de ma venue dans le monde, afin que vous informiez vos fils les Juifs de tout que je suis, d'où je suis venu, et où je vais. 6. Dès que Jésus dit ces paroles à ces images, il survint sur la terre de Yerushalayim une grande ténèbre, un tremblement de terre, de violents éclairs, et un vent d'ouragan, au point que tous les gens de Yerushalayim tombèrent leur face sur terre. Puis la ténèbre s'éloigna. 7. Les gens virent ces images devenir des animaux, descendre à terre, et se mouvoir. Alors la face d'homme, la face de lion, la face de bœuf, et la face d'aigle s'en allèrent rapidement au lieu des tombeaux des pères Abraham, Isaac, et Jacob, et des 12 enfants des pères. Quant à l'aigle, il alla vers le tombeau du prophète Moshe. Ils les appelèrent pour emmener au temple, comme avait ordonné notre Seigneur Jésus-Messie. Ils arrivèrent aussi rapidement qu'un clin d'œil. 8. Tous ceux des enfants d'Israël qui se trouvaient là les virent, et regardèrent Abraham avec sa chevelure blanche, Isaac était apparu sous l'aspect avant de mourir, Jacob avec la marque que l'ange du Seigneur fit en lui lorsqu'il l'aborda au lieu de Haran, c'est-à-dire le désert de Haran. Ils virent aussi Moshe, tandis que son visage était illuminé, et le reconnurent au balbutiement de sa langue. 9. Abraham se mit à parler, et dit. Je suis votre père ou assemblée des Juifs. Voici Isaac, et Jacob mes deux fils, voici aussi le prophète Moshe, qui est plus grand que mes fils. Voici, nous sommes arrivés ensemble avec les pères, que vous voyez avec nous par la puissance de cet homme, dont vous avez nié la divinité. Ô mes enfants, écoutez-le, et obéissez à sa propre parole. 10. De plus Moshe se leva afin de parler, et leur dit. Ô mes frères, enfants d'Israël, je suis Moshe qui ai fait sortir vos pères de la terre d'Égypte d'une main forte, et d'un bras élevé. C'est moi qui ai châtié l'Égypte par 10 plaies. C'est moi qui ai divisé la mer rouge, qui ai fait sortir vos pères, et ai englouti Pharaon, et ses troupes en elle. Tous les prodiges que j'ai faits, j'ai agi par la puissance de cet homme qui se tient debout au milieu de vous. Moshe étendit ses mains vers Jésus, et dit. C'est lui qui m'a parlé dans le buisson. C'est lui qui a fait descendre pour vous la manne dans le désert. C'est lui qui a fait sortir pour vous l'eau du rocher dur. C'est lui qui a illuminé pour vous les ténèbres par la colonne de feu, tandis que vous alliez. C'est lui qui m'a indiqué son nom au sommet de la montagne en disant « Aya Asher Aya », ce qui signifie « Celui qui existait existera », qui est Adonai Sabaoth, Seigneur des armées. C'est lui dont j'ai moi-même prophétisé la venue, et vous ai dit le Seigneur fera surgir de vos frères parmi vous un prophète comme moi. C'est lui qui m'a fait entrer dans la caverne au sommet de la montagne. C'est lui qui a autrefois façonné de ses mains notre père Adam, et l'a fait à son image, et sa semblance. À présent il est venu dans le monde sauver Adam de la peine du péché d'égarement. Ô enfants d'Israël, écoutez-le, et obéissez-lui. Toutes les âmes parmi le peuple qui ne l'écouteront pas périront. 11. Quand Moshe termina de parler aux enfants d'Israël, le visage de Jésus fut illuminé, sa lumière s'intensifia, et devint comme le soleil. 12. Les enfants d'Israël qui étaient présents le virent, et tombèrent sur leur face, devenant comme des cadavres. Jésus les fit se relever, et fortifia leur cœur. Contesterez-vous à présent que je suis n'est pas le Dieu d'Israël, même que ses pères deviennent des témoins pour moi? Il ne leur était pas possible de répondre un mot, la plupart crurent en lui. Et il leur dit, ne vous vantez pas d'Abraham votre père, car j'ai le pouvoir de faire surgir de ces pierres des fils pour Abraham. 13. Les pères Abraham, Isaac, Jacob, et Moshe, avec tous les anciens qui étaient ressuscités de leur tombeau, demeurèrent 3 jours sur la terre de Yerushalayim, appelant les gens à la foi du Messie Jésus. Ils annoncèrent son nom. Mais les Juifs ne les reçurent pas, et ne croyaient pas en eux qu'ils étaient leurs pères, et leur jetaient des pierres en leur disant « Vous êtes des sorciers de la compagnie de Jésus. » Car Yann, et ayant bresse les sorciers de l'Égypte faisaient des prodiges qui étaient plus grands que cette œuvre que fit le fils du charpentier. 14. Si vraiment je suis sorcier, est-ce que ces pères purs sont aussi des sorciers? Leur dit Jésus. En vérité je vous dis, je ferai surgir de vous, et contre vous des juges qui vous feront opposition au jour du jugement, jour de la résurrection, lorsque je viendrai dans ma gloire, et dans la gloire des armées de mes anges purs. Quand ils eurent entendu les paroles de Jésus, ils lui jetèrent de nouveau des pierres. Un nuage le porta, et l'emmena au fleuve du Jourdain. 15. Les pères vinrent alors vers Jésus, et lui dirent. Ô notre Seigneur, parce que nous avons vu ta gloire, que nous ordonnes-tu maintenant? Retournez en paix au lieu d'où vous êtes ressuscités, leur dit-il. Ils retournèrent alors à lieu en rendant grâce au Seigneur. 16. Eux aussi, les images des 4 animaux qui avaient revêtu une chair vinrent de nouveau où se trouvait Jésus, et l'honorèrent. Il dit aussi à ces images. Retournez dans vos lieux d'avant, comme vous devez dans le temple. Ces images retournèrent comme elles étaient avant. 15e miracle. 1. Un jour que Jésus se trouvait à Yerushalayim, les anciens des Juifs, leurs scribes, et leurs officiers, se réunirent auprès de lui, et dirent. Nous-mêmes nous savons que tu as été envoyé de la part du Seigneur, et que tout ce que tu fais est l'œuvre du Seigneur. Ils placèrent une femme devant lui, et lui dirent. Cette femme a commis un adultère, ces hommes sont témoins contre elle. Juge toi-même selon la loi qu'il faut appliquer puisque tu es le juge des enfants d'Israël. 2. Lorsque Jésus eut entendu ceci d'eux, il regarda la femme qu'ils avaient amenée vers lui. Il connut que s'il ne jugeait pas d'elle selon la loi de Moshe, il le mépriserait, et taxerait de mensonge sa parole. Alors lui s'inclina à terre, et se mit à écrire par terre les péchés de tous avec son doigt. Il se redressa vers eux, et leur dit. Légalement elle mérite d'être lapidée à mort. Conduisez-la maintenant au lieu du supplice, de plus amenez-moi en ce lieu afin de la lapider devant moi. Ils conduisirent cette femme au lieu du supplice, et amassèrent pour elle des pierres. Ils se tournèrent alors vers Jésus-Messie. 3. Il s'inclina de nouveau à terre, et écrivit de son doigt, et dit. Tel péché est de celui-là, tel péché est de cet autre. Lorsqu'ils virent ceci, ils partirent tous. 4. Jésus se releva pour les regarder, et ne trouva personne d'entre les hommes des Juifs hormis la femme seule, qu'ils avaient placée au lieu du supplice. Ô femme, où se trouvent ceux qui te condamnaient? Lui dit Jésus. Ô mon Seigneur, confus ils ont fui ton jugement pur, lui dit-elle. Garde-toi toi-même désormais de ne plus pécher de nouveau, afin qu'un supplice inévitable ne t'atteigne. Pour moi, je t'ai remis ton péché, lui dit Jésus. 5. La femme partit, et entra en ville raconter aux autres son histoire, grâce à laquelle beaucoup crurent en Jésus, et glorifièrent le Seigneur. 16e miracle. 1. Tandis que Jésus traversait la région de Samarie pour visiter les tombeaux des pères Abraham, Isaac et Jacob, il vit une femme debout sur le puits qui puisait de l'eau. Il alla vers elle et lui dit « Donne-moi à boire de l'eau d'où tu puises. Comment te donnerai-je à boire, toi un homme juif, alors que je suis une femme samaritaine ? Les Samaritains n'ont pas commerce avec les Juifs, et ne parle pas avec eux, dit la femme. Si tu savais qui je suis, tu me demanderais toi-même de te donner de l'eau de vie, lui dit Jésus. Je te demande mon Seigneur de me donner de l'eau de vie, si elle se trouve avec toi, et que je ne puise plus l'eau de ce puits profond, lui dit-elle. 2. Va donc appeler ton mari, et viens ici, lui dit Jésus. Je n'ai pas de mari, dit la femme. Tu dis vrai, car l'homme qui se trouve avec toi présentement n'est pas ton mari, et 4 hommes ont demeuré avec toi avant lui. Par suite de ta grande avidité, dit Jésus, tu t'es marié avec ce 5e que tu nourris, et non pas lui qui te nourrit. Ceci est signe pour toi. Mon Seigneur, je vois que tu es prophète, car tu m'as dit mes secrets cachés, dit la Samaritaine. En vérité, je sais tout ce que tu as fait. Voici les noms des 4 hommes qui ont demeuré avant cet homme qui se trouve avec toi à présent.